Lettre 77e, Calpurnie à Sulpici, Nicomédie, mars 303. Quelle lettre désespérante ai-je enfin reçue de toi, Sulpici? Elle m'a cruellement affligé. Mes pressentiments n'étaient donc que trop vrais. Tu as été au bord du tombeau, et j'étais éloigné de toi. Mais enfin tu m'es rendu. Tes sombres idées tiennent à la faiblesse, suite naturelle d'une longue maladie. Chaque jour va confirmer ta convalescence. Tu vas renaître au bonheur. Ton époux, ton ami, tes sujets conserveront longtemps encore leur Sulpici. Oh, si tu savais combien j'ai besoin de cette espérance, et dans quel moment j'ai reçu cette triste lettre qui m'a fait verser de nouvelles larmes. Mais on dirait que tu le sais déjà. Une divinité t'a-t-elle instruite de mon sort? Tu peins ce qui m'est arrivé comme si tu en avais été le témoin. Cette figure noire que tu appelles avec raison mon mauvais génie a détruit, en effet, toutes mes illusions de bonheur. Elle est tout ce qu'il y a de plus affreux pour moi. Mon sort est décidé, il est irrévocablement fixé. Agathoclès est perdu, sans retour pour moi, et à présent que tout est fini, je sens que je l'aimais bien plus que je ne le croyais. Sulpici, Larissa existe encore, elle est ici, elle est près de lui et avec lui. Et ce qui te surprendra plus encore, c'est que Théophanie, oui, ta Théophanie et Larissa ne sont qu'une seule et même personne. Tout est expliqué maintenant, le trouble de l'étrangère lorsqu'elle vit le portrait entre mes mains, l'agitation de celui-ci lorsqu'il apprit cette circonstance, ses questions sur cette femme mystérieuse. Son cœur lui disait qu'elle était celle qu'il a toujours aimée, toujours. Ah, combien il m'a trompé, ou plutôt, comme je me suis abusé moi-même jusqu'au dernier moment. Pendant que je risquais tout pour le voir quelques instants, elle, sans aucun danger, vivait avec lui, soignait ses blessures. Dès qu'elles seront guéries, il s'unira avec elle. Il trouvera dans ses bras le suprême bonheur, et le monde entier ne sera plus rien pour lui. Par Jupiter, c'est un singulier concours d'événements. Pourquoi faut-il que moi, qui devais toujours être étrangère à ces êtres exaltés, à ces chrétiens, je sois la victime de leur attachement et de leur étonnante constance? Il existe au monde un seul homme capable d'une fidélité que la mort même ne peut ébranler, et c'est précisément cet homme que le destin m'adresse. Pourquoi devais-je le connaître? J'étais si heureuse avant de l'avoir rencontré sur ma route. Qu'avait-il à faire à Rome? Et qu'avais-je fait au Dieu pour être aussi cruellement puni? Je vais te dire comment j'ai fait cette découverte. Tu te rappelleras que je me croyais espionné, et par prudence je pris, la dernière fois que je fus voir Agathoclès, Phédo et son fils. Je trouvais Agathoclès beaucoup mieux. Sa voix était plus forte, son regard plus serein. Mais il me parut qu'avec ses forces physiques, il avait retrouvé toute la sévérité de ses principes. Il reprit notre entretien de la veille. Il me pressa fortement de prêter attention à ce qu'il voulait me dire. Il me parla avec une grande véhémence de ce qu'il appelle le but de l'homme sur cette terre, le perfectionnement de notre âme. Il me conjura d'élever mes pensées à ce qui seul est vraiment beau, vraiment grand, et à notre destinée future. L'austérité de ses paroles, le blâme qu'il donnait à ma légèreté, auraient pu m'offenser. Mais l'onction, la chaleur, l'éloquence persuasive qui animait son discours et le vif intérêt qu'il prenait à mon sort me faisaient l'effet d'une flamme pure qui pénétrait doucement au fond de mon cœur. Son regard, tantôt sévère, tantôt amical, m'effrayait et m'attendrissait tour à tour. Il s'élevait en moi un grand combat. Je ne savais si je devais me fâcher contre lui ou plaisanter de son zèle ou adhérer à tout ce qu'il voulait et lui témoigner ma reconnaissance. Je sentais ce que tu me dis dans ta lettre, que ce n'était pas ainsi que je serais reçu d'un homme à qui j'aurais inspiré de l'amour. Mon orgueil de femme était blessé. C'est avec peine que je m'empêchais de le témoigner. Tout ce conflit de passions opposées se peignait sur ma physionomie. Il le remarqua. Mais il se trompa sur la cause de mon trouble. Il crut que mon esprit balançait entre ses instructions et mes anciennes idées, entre son Dieu et les miens, et pour décider ma conversion, il devint plus pressant et plus tendre. Il m'attira vers lui, et prenant ma main dans la sienne, il me conjura par tous les sentiments que je lui avais inspirés depuis notre connaissance, et pour mon bonheur qui lui tenait autant à cœur que le sien propre, de rectifier mes idées, de réfléchir sérieusement sur ce qu'il venait de me dire et sur des choses d'une aussi grande importance. tu serais si digne de connaître et d'adorer le vrai Dieu, me disait-il. Oh, que ne pouvons-nous le prier, l'aimer ensemble? Alors, tout nous réunirait dans une même foi, dans une même espérance. Il était très ému, et moi je l'étais plus encore. Je serrais sa main. En vérité, Sulpici, je ne sais où il aurait pu m'entraîner dans ce moment. Pour la première fois de ma vie, je me sentais si faible, si subordonné. J'étais là vraiment comme un esclave à côté de son maître, mais un maître adoré, pour qui l'on sent qu'on donnerait 1000 vies. Et malgré mon trouble et ma confusion, il me semblait que je n'avais jamais été aussi heureuse. Qu'était-ce que cet empire étonnant, Sulpici? Je ne me reconnaissais plus moi-même. Je m'assis à côté de lui. Ma main reposait dans la sienne. Deux fois il la pressa de ses lèvres. La pâleur de son visage avait disparu. Un feu, dirais-je divin ou terrestre, brillait dans ses yeux. Il ne parlait plus, et son silence était plus dangereux que son éloquence. Mais heureusement, on vint annoncer le prince Constantin. Agathoclès eut l'air d'un homme qui échappe à un grand péril. Moi, je repris bien vite mon manteau et mon capuchon, et j'allai sortir. « Tu reviendras demain ?» me dit-il du ton le plus amical. « Oui, bien sûrement, mon ami, » lui répondis-je. Je serrai encore une fois sa main, et je partis. Je rencontrai Constantin sous le portique, qui ne fut nulle attention au jeune esclave. J'étais à peine éloigné de 200 pas de la maison et perdu dans mes réflexions, lorsque le même inconnu qui m'avait déjà suivi 2 fois s'avança hardiment de mon côté, saisit ma main et d'une voix qui m'était bien connue me dit « C'est donc ainsi que l'on trouve la modeste, la dévote Larissa sous un déguisement d'homme et courant la nuit, vraiment ?» Je ne le laissais pas achever. Le nom de Larissa eut un effet si cruel pour moi que j'oubliais que je ne devais pas me faire connaître. « Larissa ?» répétai-je en faisant un mouvement très vif. Mon capuchon retombe sur mes épaules. L'inconnu, tout aussi surpris que moi, pousse un cri et nomme « Calpurnie !» Il jette son manteau qui enveloppait sa tête et toute sa personne, et Marcius Alpinus, avec sa figure hautaine, son regard perçant et son sourire infernal, était devant moi. C'était de tous ceux que j'aurais pu rencontrer celui qui m'était le plus désagréable. Mais dans cet instant, je ne pensais encore qu'à Larissa. Ainsi elle vit. Ainsi elle est ressuscitée. Elle est à Nicomédie. Je me sentais défaillir. La surprise d'Alpinus me donna le temps de me remettre. J'ignore s'il devina le motif de mon déguisement. J'ai lieu de le soupçonner. Mais cet homme adroit et rusé comme un vrai courtisan ne voulut pas me déplaire en augmentant ma confusion. C'était bien assez d'être en son pouvoir. Il m'offrit de m'accompagner chez moi. Si j'y retournais, du moins, ajouta-t-il, avec un malin sourire qui m'ôta la possibilité d'un refus. Il m'importait d'ailleurs d'apprendre par lui quelque chose de Larissa. Il l'avait vue souvent, très souvent, à Nicée, sous le nom de Théophanie, se disant veuve d'un marchand de Byzance, et non point du général Démétrius. Mais il la connaissait précédemment, et ne fut pas la dupe de ce mensonge. Je me tromperais fort si elle n'a pas fait beaucoup d'impression sur lui. Ne trouves-tu pas, Sulpici, malgré ta prévention pour elle, qu'une personne qui sent beaucoup de beauté, captive Marcius Alpinus, doit avoir au moins bien de l'art et du manège? Il ne put ou ne voulut pas me dire comment elle avait échappé au massacre de Trachène et à l'esclavage des Goths. Quoi qu'il en soit, elle vit, et elle a si bien joué son rôle, qu'elle est enfin parvenue, sans se compromettre, à se rapprocher d'Agathoclès. C'est dans ce but et seulement pour être avec lui qu'elle est entrée chez les saintes veuves. Ainsi, chez les chrétiens, la religion sert de masque à l'amour. Marcius me dit, il est vrai que lorsqu'Agathoclès se fit informer d'elle à Nicée, elle se cacha et se sauva pour l'irriter encore davantage et se faire enfin trouver dans un moment où ses soins la rendraient nécessaire. Que de ruses, que de détours, mais elle a réussi. Et moi, ah, Sulpici, il me quitta à la porte de notre maison. « Je reviendrai demain, » me dit-il, « savoir si les courses nocturnes n'ont point accommodé le bel esclave. Et s'il refuse ma visite, il voudrait bien permettre que je m'informe au proconsul. » Il me quitta là-dessus et me laissa dans un état de colère et de douleur qui m'empêcha de fermer l'œil le reste de la nuit. Le matin, je me décidai à parler moi-même à mon père, à lui ouvrir mon cœur. Dès qu'il fut levé, je passai chez lui et je lui fis ma confession entière. Il la reçut comme je m'y attendais. Il fut sévère, sans dureté, il blâma mes imprudentes démarches, mais sans désapprouver mon inclination pour Agathoclès. Je sentis avec un affreux redoublement de douleur qu'il l'aurait préféré pour son gendre à tous les autres hommes. Ce qui lui fit le plus de peine fut que j'eusse été rencontré par Marcius Alpinus. Il m'ordonna de le ménager assez pour obtenir sa discrétion et me défendit de renouveler mes visites. Je n'en avais nulle envie. Cependant, le souvenir de la dernière n'était pas effacé, et je croyais encore entendre Agathoclès me dire « Tu reviendras demain, n'est-ce pas ?» Et cependant, Larissa était avec lui. Ah, puisqu'Agathoclès trompe aussi, à quel homme peut-on se fier? Sur le soir, je réfléchissais tristement lorsque le prince Constantin se fit annoncer. Sa visite dans notre maison est une chose si rare que je fus saisi de terreur. Je pensais qu'il venait de la part d'Agathoclès, et je ne me trompais pas. Après les premiers compliments, il vint au but de sa visite. « L'amitié, me dit-il, qui existe depuis longtemps entre vos familles et le tribun Agathoclès. Fais attention, Sulpici, qu'il fût assez délicat pour ne pas me nommer seul. Me fait espérer que vous prendrez tous un vif intérêt à son bonheur inespéré. Juge comme mon cœur battait. Il a retrouvé son ami d'enfance, sa Larissa. Il vous a sans doute parlé plus d'une fois de cet ancien attachement, sanctionné par sa mère et des malheurs qu'il en suivit. Je m'inclinai. Pour le monde, je n'aurais pu prononcer un mot, mais j'admirais en silence le tact de ce jeune homme. « Je ne vous parlerai donc, dit-il, que de ce que vous ignorez, puisque Agathoclès lui-même était hier encore bien loin de le soupçonner. Je respirai plus librement. Il l'ignorait hier, je puis donc encore l'estimer. » Il me raconta ensuite comment elle avait été sauvée miraculeusement de la mort et de l'esclavage chez les Goths, puis comment, poursuivie par un homme abominable, qu'il ne nomma pas, mais qu'il me fut aisé de deviner, elle s'était crue obligée de quitter Nicée et de se retirer dans la maison des veuves où elle est depuis longtemps. Agathoclès n'avait aucun soupçon de son existence lorsqu'il y fut transporté. Elle a passé près de 8 jours à le soigner sans lui dire un mot, et s'est fait connaître à lui seulement aujourd'hui. Ainsi Marcius Alpinus était mal informé, et tout en me disant la vérité pour le fond, il m'a menti pour les détails. C'est lui, je n'en doute pas, qui est le scélérat qui la poursuivait. Il mérite bien ce soupçon, mais que m'importe? Elle vit, Agathoclès l'a retrouvée, et la fin de cette histoire est facile à prévoir. Le plus aimable, le plus intéressant des hommes va devenir le mari très ordinaire d'une femme qui, certes, ne mérite pas ce bonheur. Oui, je te l'avoue, je hais cette Larissa ou cette Théophanie qui a autant de ruses que de noms. Je la crois une hypocrite. Qu'est-ce que veut dire toute cette comédie? Pourquoi se cacher ainsi? Si elle aimait véritablement Agathoclès, pourquoi ne pas voler dans ses bras en revenant de chez les Goths? Comment a-t-elle pu y résister? Mais elle veut troubler, agiter, attirer, et comme elle sent qu'elle n'y parviendrait pas avec sa figure plus que médiocre, elle a recours à l'artifice. On s'enveloppe d'un grand voile et de 1000 mystères. On joue la femme malheureuse et résignée. On se sauve lorsque la redoutable rivale entre. Mais par un suffoquement adroit, on attire l'attention du malade. Et par les plus tendres soins, on excite assez sa reconnaissance pour se faire pardonner tous ses mystères. Et l'on fait attendre ce qu'on brûle de donner pour y mettre plus de prix. Oh, je connais toutes ces ruses, cette pruderie, cette douceur patiente, cachent ordinairement un esprit méchant, qui ne cherche qu'à parvenir à son but par des voies détournées. Je connais la coquetterie raffinée de ces femmes, qui se sont fait une étude de plaire, en empruntant de l'art les moyens que la nature leur a refusés. Je les ai toujours détestées, et Théophanie 100 fois plus encore. Je ne sais par quel pressentiment, sans doute, elle me fut désagréable dès la première fois que je la vis à Saint-Iom. Moi, je suis confiante, ouverte, contente, gaie, comme la nature m'a créée. J'aime ou je hais selon que mon cœur le veut. Et je ne saurais cacher un sentiment dont je n'ai point à rougir. J'ai couru vers Agathoclès lorsque je le croyais en danger. Je lui ai donné les preuves les plus évidentes de mon attachement. J'étais là devant lui avec mes qualités et mes défauts, sans lui rien déguiser. J'attendais de son cœur seul d'être apprécié, sans avoir recours à une feinte que je méprise et dédaigne. Mais les hommes n'aiment pas cette franchise. Ils veulent être animés, surpris, ils veulent qu'on se donne bien de la peine pour leur plaire. Et lorsqu'une femme, négligée par la nature, a pris une fois quelque ascendant sur le cœur d'un homme, son pouvoir n'en est que plus affermi. Ni le temps, ni l'âge, ni les maladies ne peuvent détruire cette espèce de magie, qui n'est pas établie sur l'influence des sens, mais sur celle de l'imagination et d'un esprit exalté. Toutes les peines, tous les soins qu'une femme peu jolie se donne pour être aimée manquent rarement leur effet. Voilà donc la fin de tous nos projets. Espérance, attente, tout est anéanti. Sulpici, qui m'aurait dit cela lors de la petite fête que je lui donnais, hier au soir encore? Un homme peut donc, sans aimer et sans être trompeur, avoir tous les symptômes de l'amour le plus ardent? Ah, c'est aussi trop cruel. Dis-moi du moins que tu es mieux. Pense combien j'ai besoin de cette consolation.